Chapitre 34e. Le consentement de Madame d'Alifard obtenu et celui de Juliette accordé, il semblait que ce mariage, qui avait été si lourd à mettre à flot, devait voguer jusqu'au port les voiles pleines. Les eaux désormais seraient tranquilles, le ciel serait clément, il n'y aurait qu'à s'abandonner au courant et aux zéphyrs. Il n'en fut cependant pas ainsi. Et à propos du contrat de mariage, il s'éleva entre la mère et le fils des discussions qui finirent par faire surgir de nouvelles difficultés. Dans son expansion de bonheur, Adolphe avait besoin de manifester son amour par des actes extérieurs qui parlassent d'eux-mêmes. Il était dans la période où les paladins descendaient aux enfers quand ils ne pouvaient pas monter au ciel, car tous, tant que nous sommes, et si bourgeois que nous soyons, nous avons eu dans notre vie un moment où nous avons été paladins. Notre âge ne nous offrant plus l'hippogriffe, Adolphe s'était rabattu sur les moyens qui se trouvaient à sa disposition et il avait choisi le contrat de mariage pour proclamer son enthousiasme et son amour. On dépend sa poésie comme on peut. Adolphe avait trouvé qu'il était grand de reconnaître à Juliette, qui n'avait rien, un apport d'un million. C'était juste ce qu'il possédait en propre comme héritier de son père. Il eût voulu avoir davantage pour donner davantage à celle qu'il aimait, mais enfin il faisait ce qu'il pouvait. À cette proposition, Madame d'Alifard avait poussé les hauts cris, et il lui avait fallu réfléchir que son fils devait être fou de joie pour l'écouter jusqu'au bout. Avec les ménagements qu'on doit à un malade, elle lui avait représenté ce qu'un pareil projet avait d'extravagant. Juliette pouvait mourir à sa première couche, son enfant pouvait ne pas naître viable, ce million passerait donc en totalité ou en partie aux mains de Madame Nélis. Était-ce là une chose raisonnable ? Adolphe persista dans son projet, Madame d'Alifard dans sa résistance. Ce fut elle qui, à la fin, l'emporta, car lorsqu'il s'agissait de ses intérêts, elle avait une habileté et une ténacité qui presque toujours lui assuraient la victoire. Cependant, dans cette circonstance, elle ne triompha pas aussi pleinement que de coutume. Il lui fallut faire des concessions, et son succès lui coûta cher. Battu sur la question des apports, Adolphe l'emporta sur celle des donations, et de haute main, il fit inscrire dans le contrat un article par lequel le futur époux faisait donation à la future épouse qu'il acceptait de tous les biens, meubles et immeubles, qui lui appartiendraient au jour de son décès. La dite donation étant irrévocable, ne devait subir d'autres réductions que celles spécifiées dans l'article 1094. Pendant 8 jours, Madame d'Alifard batailla sur cet article, et ce ne fut pas trop de toute la diplomatie de M. de la Branche pour la contraindre à céder. Elle ne disait pas non, mais elle ne disait pas oui non plus, et chaque matin elle arrivait avec une nouvelle proposition qui démolissait l'arrangement qu'on croyait lui avoir fait accepter la veille. Ce qui la révoltait, ce n'était pas tant l'énormité du don que son irrévocabilité. Elle ne comprenait pas qu'un homme riche fût assez bête pour ne pas vouloir tenir sa femme, pauvre, dans sa dépendance. « Si elle te rend heureux, disait-elle à son fils, tu lui feras un testament qui sera sa récompense. Si elle ne te rend pas heureux, tu ne lui laisseras rien. L'espérance du testament la fera douce et facile. » Enfin, M. de la Branche eut la satisfaction de rédiger lui-même, car il ne voulait pas céder cette joie à un clerc, ce fameux contrat de mariage, et au-dessous des apports d'Adolphe d'Alifard, qui formaient une respectable énumération, d'inscrire ce de Juliette Nélis, consistant simplement en habillement, linge, art, des bijoux à son usage personnel auquel il n'était pas donné d'estimation. Pas si sot, le dit notaire. Malheureusement, il ne pouvait pas faire savoir à celle dont il se vengeait la part qu'il avait eue dans cette négociation. Les clauses du contrat discutées et arrêtées, on devait croire que tout était fini, mais à son tour, Madame Nélis intervint. Tant qu'on avait agité les questions d'intérêt, elle avait montré une sérénité admirable. Des choses d'argent, elle ne se mêlait pas de ça. Des notaires, elle ne discutait pas avec ces gens-là. Elle leur donnait ses idées, voilà tout. Que voulait-elle ? Le bonheur de ses enfants. Car tous deux étaient ses enfants, et ils lui étaient également chers. Mais après qu'on se fut mis d'accord sur les affaires de ses chers enfants, il fallut traiter une affaire qui la touchait personnellement, et alors elle perdit quelque peu de son calme. Madame d'Alifar trouva juste et naturel de continuer à demeurer avec son fils quand celui-ci serait marié. Mais par contre, elle trouvait absurde que Madame Nélis voulût rester près de sa fille. De là, une difficulté assez sérieuse, car Madame Nélis, qui d'ordinaire ne tenait pas à grand-chose, tenait essentiellement à ne pas se séparer de Juliette. Elle avait été associée à sa vie de pauvreté et de travail. Elle voulait l'être à sa vie de richesse et de plaisir. Pour lui assurer une existence indépendante, Madame d'Alifar avait eu l'idée de la loger à Nogent dans une petite maison enclose dans sa propriété. Elle serait ainsi près de sa fille quand celle-ci viendrait à la campagne, et en même temps elle serait une surveillante qui empêcherait les jardiniers d'aller se promener et de perdre leur temps. Cette proposition avait indigné Madame Nélis. Elle avait la campagne en horreur. Pour elle, c'était un endroit où l'on porte les ordures des villes et où l'on élève des cochons. Sans doute, la campagne est nécessaire, car on ne peut pas laisser les ordures dans les villes, et la charcuterie est une bonne chose quand elle est bien préparée. Mais enfin, on ne pouvait obliger les honnêtes gens à demeurer au milieu des champs, des arbres, de l'herbe. Le ciel est toujours le ciel, de l'herbe, des arbres, ça serait à périr d'ennui. Si l'on veut se débarrasser de moi, avait-elle dit à sa fille, qu'on soit franc. Je saurai mourir courageusement pour assurer ton bonheur. Les mères n'ont-elles pas toujours donné leur vie à leurs enfants? La mort par le poison n'a rien qui m'épouvante, mais je ne vivrai point à la campagne. Cette négociation avait été très douloureuse pour Juliette, malgré les ménagements d'Adolphe. Enfin, elle avait pu faire comprendre à sa mère que la vie en commun avec Madame d'Alifar serait délicate, et qu'il ne fallait pas s'exposer aux querelles qui pouvaient s'engendrer dans un contact de tous les instants. Mais cela n'avait point été facile. Je ne suis point querelleuse, répondait Madame Nélis. D'ailleurs, je ne demande pas à Madame d'Alifar de vivre avec nous. Qu'elle reste chez elle et nous laisse chez nous. Pourquoi veut-elle demeurer avec son fils et ne veut-elle pas que je demeure avec ma fille? Croit-elle donc que je n'ai pas un cœur de mère? Si elle comprenait certaines choses que je ne peux pas lui dire, mais que je lui fais sentir, elle serait heureuse de me voir consentir à rester près de toi. Est-ce elle qui pourrait donner à votre maison le ton que votre fortune exige? À la fin, Adolphe avait pu arriver à une conciliation. Madame Nélis aurait un appartement à Paris pour l'hiver, et l'été seulement elle habiterait Nogent. Ni Madame d'Alifar, ni Madame Nélis n'avaient été satisfaites de ces concessions, mais elles avaient cédé de guerre lasse. Ta belle-mère n'a point de cœur, avait dit Madame Nélis à sa fille. Ta belle-mère n'a point de dignité, avait dit Madame d'Alifar à son fils. Pendant ces luttes, le temps avait marché. Les publications avaient été faites, les toilettes avaient été commandées et essayées, la corbeille avait été choisie par Adolphe avec une prodigalité qui avait indigné Madame d'Alifar, et le moment du mariage était enfin arrivé. Le jour du contrat, qui s'était signé dans le salon de Madame d'Alifar, les employés de la maison avaient été admis à l'honneur de présenter leurs hommages et leurs souhaits à Juliette. C'était Lucius qui avait porté la parole au nom de tous, et il avait commencé son discours sur un ton tellement ému qu'il avait eu bientôt la voix coupée par les larmes. Flavien s'était alors avancé timidement, poussé et encouragé par Maïadas, et il avait présenté une pièce de verre imprimée en lettres d'or. Le nom de Juliette avait naturellement amené une invocation à Shakespeare, et Adolphe était devenu un Roméo. La cérémonie avait été fixée au lundi. Le mariage avait lieu à l'église des Blancs-Manteaux, d'où l'on partait pour aller déjeuner à Nogent. Après le déjeuner, les deux mariés revenaient à Paris, à la gare de Lyon, où ils prenaient le train de Genève. Ça avait été pour Madame Nélis une grande affaire que le choix d'une toilette, mais l'argent ne lui étant plus parcimonieusement ménagé, elle avait pu l'amener à bonne fin. Dès 10 heures du matin, elle était habillée, et quand elle entra chez sa fille pour voir si celle-ci était bientôt prête, elle fut stupéfaite de la trouver devant une table, travaillant à une aquarelle. « Es-tu folle ?» s'écria Madame Nélis, se penchant par-dessus son épaule. « C'est pour des bêtises pareilles que tu n'as pas encore commencé à t'habiller. Qu'est-ce que c'est que ça? Des nuages, la mer et rien du tout. » « C'est vrai, » dit Juliette. « Tu as bien raison d'appeler ça des bêtises. C'est l'infini. Va t'habiller. J'y vais, maman. » Mais arrivée à la porte, elle s'arrêta, et se retournant, elle regarda longuement cet atelier où elle avait tant travaillé. Il fallut que sa mère la tirât par le bras pour la faire sortir. Il y avait foule à l'église des Blancs-Manteaux, et Madame d'Alifard eut un sourire d'orgueil en voyant presque toutes les places occupées. Quant à Adolphe, il était radieux, et la joie qui resplendissait sur son visage lui faisait une véritable auréole. Juliette fut diversement jugée. On l'applaudit et on l'attaqua. Pour les hommes, elle était adorable, mais les femmes la discutèrent vivement. Sans doute, elle était très belle. Seulement... Et les seulement s'égrenèrent comme un long chapelet tant que dura la messe. En descendant de voiture à Nogent, Madame d'Alifard prit sa belle-fille par la main, et au lieu de la faire entrer dans la maison, elle l'emmena par les allées du jardin. Adolphe, sans rien dire, venait derrière elle. Ils arrivèrent ainsi à un bâtiment qui autrefois était une orangerie. Madame d'Alifard ouvrit la porte et, s'effaçant, elle poussa doucement Juliette devant elle. « Vous avez dû être surprise, dit-elle, au milieu des cadeaux qu'on vous faisait, de ne pas trouver le mien. Le voici. » L'orangerie avait été transformée en un splendide atelier. Les murs étaient tendus de vieilles tapisseries, à l'exception de celui du fond contre lequel était posé le grand tableau de Francis Hérol. « C'est une surprise, dit Madame d'Alifard. Vous voyez que l'argent est bon à quelque chose. » Adolphe s'avança vivement car il avait toujours peur quand sa mère parlait d'argent. « Vous voyez que nous ne vous demandons pas de renoncer tout à fait à la peinture. » Juliette embrassa Madame d'Alifard et serra la main de son mari. À 7 heures, les mariés montèrent en voiture pour venir au chemin de fer de Lyon. Madame d'Alifard et Madame Nélis voulurent les conduire. Cette dernière profita de cette réunion pour donner à sa fille quelques bons conseils sur les nouveaux devoirs que le mariage lui imposait. Puis, quand elle eut terminé son petit discours, elle adressa quelques recommandations à Adolphe à propos de leur voyage. À Genève, il ferait bien d'acheter des montres. À Saint-Gall, des broderies fines aux plumetis. Madame Nélis voulut voir ses enfants installés dans le coupé qui avait été retenu par eux. La cloche sonna, la machine siffla, le train partit. « Bon voyage !» cria Madame Nélis en pleurant. « Pourquoi pleurer ?» dit Madame d'Alifard. « Ils ont voulu ce mariage, ils doivent être heureux. » Ainsi se termine la première partie du mariage de Juliette d'Hector Malo. L'épisode qui suit et termine le mariage de Juliette a pour titre « Une belle-mère ».